de bois, on y faisait de la musique. On y échangeait des pratiques et des idées. On avait trouvé une maison inhabitée, on l'a occupée et colorée. Ça t'a pas plu, tu nous as expulsés. Et t'as tout détruit, et t'as tout détruit, et t'as tout détruit, et t'as tout détruit, et t'as tout détruit, et t'as tout détruit, et t'as tout détruit, et t'as tout détruit. J'ai décidé de devenir respectable, d'avoir un travail salarié, de payer un loyer. Là où je posais, c'était pas dans tes papiers, t'as coupé les fonds. Ils m'ont licencié. Et t'as tout détruit. Et t'as tout détruit. Et t'as tout détruit. Et t'as tout détruit. Et t'as tout détruit. T'as tout détruit. Et t'as tout détruit. Et t'as tout détruit. Rien de la MPE, j'ai pas pu payer mon loyer. Le propriétaire m'a envoyé les huissiers. T'as payé tes flics pour m'expulser. Pendant ce temps-là, je m'étais prise à aimer. Les gens savent pas qu'ils étaient sans papier. C'est dans le charter qu'ils m'ont expulsé.